You know, it's Halloween. I guess everyone's entitled to one good scare, huh? Look at me, Damien. It's all for you. We'll tear your soul apart. They're coming to get you, Barbara. They're here. I see dead people. What have you done to its eyes? What have you done to him, you maniac? We all go a little mad sometimes. Come. It is time to keep your appointment with the Wicker Man. Bienvenue à cet épisode numéro 86 de l'Horreur Gamer Show. Sébastien Bouchard au micro et cette semaine, un petit tête-à-tête avec une jolie créature que j'ai devant moi. Et là, vous vous dites, enfin Sébastien, es-tu seul avec Vicky? Ben non, je suis tout seul avec Steven Lefrançois. Salut Steven. Salut Sébastien, premièrement, tu as déjà été seul avec Vicky dans l'ancien épisode et maintenant c'est là que les vraies choses vont commencer parce qu'un tête-à-tête entre Sébastien et Steven, ça n'a pas de censure. Je pensais que tu allais dire ça n'a pas de sens. Ça aussi! En forme? Très bien, et toi, tu pètes le feu? Je pète le feu, man, c'est malade. Je bois du Red Champagne and Rum, Rum and Red Champagne. Rum and Red Champagne, et c'est drôle. Qu'est-ce que... Non, mais t'as peu. Qu'est-ce que ça fait du Rum and Red Champagne? On va appeler ça un Red Rum. Oh! Tu as-tu pensé avant l'épisode? J'ai ou peut-être tu viens déjà juste... entendu ça. J'ai peut-être déjà entendu ça. Ok, c'est du génie. Et j'allais mentionner qu'en plus, tu bois ça dans un verre de bière Belle Gueule, alors que tu ne bois pas de la Belle Gueule, mais que moi, j'ai une bouteille de Belle Gueule. Ça va être malade, man. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le Red Champagne, c'est une boisson gazeuse du Saguenay. Donc ceux qui viennent du Saguenay connaissent ça. C'est full sucré, c'est comme du Coke, mais c'est plus brun. Là, ça a l'air d'une bière rousse quasiment. Et c'est très au, bon. Moins, ça donne, au moins ça donne enfin une bonne raison d'aller au Saguenay, parce que sinon on parle de ça. Mais il y a moi. Ah oui, oui. Il y a deux bonnes raisons maintenant. On peut faire des kilomètres pour Sébastien Bouchard. Oui. Hey Steven, c'est ma shameless ce soir. Yes, encore Sébastien, parce que c'est pas la première fois que tu fais une shameless. Non. C'est pas la première fois. On avait fait. C'était quoi ma shameless? Ça avait été Peeping Tom. Peeping Tom. Ah, oh, et Basket Case. On ne pouvait, exactement. On pouvait pas être plus sans. Bon, tu vois ça. À... Je te dirais qu'à soir, on est encore une encore. Fois. Encore bon. À l'opposé. J'étais encore bon. Mais faut expliquer, pour ceux qui ont écouté l'épisode précédent, on avait dit que ma shameless, ce serait The Innocents de 1961, ainsi que The Devils de Ken Russell, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et il s'est avéré que le soir, non, le matin, parce que tu as voulu écouter The Devils sur Shudder, Steven, il est disparu. Yes. Il est disparu, comme par enchantement, comme si un mauvais sort avait été actionné au moment que je devais voir le film. Fait que là, tu m'écris, tu dis, Sébastien, où c'est que t'as écouté The Devils? Je fais comme, ben, j'ai commencé hier sur Shudder. Je me suis juste, j'ai pas juste été capable de le finir, là. J'étais trop fatigué, mais je vais le continuer aujourd'hui. Là, tu fais, ben non, il est plus là. Fait que la veille, je l'ai commencé, le lendemain, il n'était plus là. Tu me croyais pas en plus. Ensuite, je suis allé le dire à Marc-Antoine Labonté qui m'a pas cru non plus. Fait que j'étais comme. C'est vraiment le fruit du hasard, les amis. Écoute, en plus, Shudder, tu sais, quand il retourne, il te dit veux-tu continuer à écouter le film que t'écoutais? Puis là, il me proposait rien. Puis j'allais sur ma liste des films, ma wishlist. Il était plus là. Là, j'étais comme, hey, come on. Mais je comprends pas. Soit que c'est par rapport au droit, il y a peut-être un fuck qu'il y a eu, ou soit que. Shudder, quand ils ont mis le film, ils ont vraiment dit clairement que c'était la version complète de The Devils, que c'était la version uncut, et c'était pas cette fameuse version, puis ça a créé un peu de blabla sur le net, puis peut-être qu'ils ont décidé de la retirer. Peut-être, mais aussi, on sait que les Netflix de ce monde, Shudder et tout ça, quand ça achète les droits pour la diffusion d'un film, ça les achète pour un temps prédéfini, là. Fait que peut-être que... Ouais, d'habitude, ça dépasse un mois, 100 ans. D'habitude, c'est plus long que ça, là. Tu sais, il y a des films qui ont traîné plus longtemps que ça. Je trouve ça pas. Surtout que la liste, c'est pas long. À moins que. Et là, ce serait peut-être mon opinion, c'est que Shudder servait de test pour voir s'il y avait un engouement pour ce film et dans pas long, un Arrow ou un Criterion réussira à nous offrir un Blu-ray. Ben, il y a des... J'aurais de la misère à croire qu'il y aurait besoin de faire un test pour savoir s'il y a de l'engouement pour ce film-là. Il y en a beaucoup de l'engouement, là. Je veux dire, le monde attend juste ça qu'il sorte un Blu-ray complet enfin. Fait que... Mais j'espère que tu as raison parce que, gars, si Arrow décide de faire ça, ben, tout le monde va se garocher dessus et moi demain. Mais, Sébastien, je sais que c'est hors sujet, mais vu que tu l'as commencé, est-ce que tu avais une bonne vibe du film à date de ce que tu savais? Il fallait vraiment que je le continue le lendemain, probablement même que je l'aurais recommencé. Parce que c'est une soirée très chaude, j'avais ouvert toutes les fenêtres et moi j'habite proche d'une rue passante et sur Shudder il n'y avait pas de sous-titres. Je pensais que tu avais dit qu'il n'y avait pas d'air climatisé. Il n'y avait pas d'air climatisé sur Shudder. Ou du service de merde. Je paye 4 pièces par mois, je pourrais-tu avoir mon air climatisé? Non, mais il n'y avait pas de sous-titres. Fait que j'ai manqué pas mal de passes de discussion. Visuellement, c'était super bon. Mais j'étais pas capable d'accrocher dans l'histoire à cause de l'environnement. Fait que j'avais pas une bonne vibe, mais c'est pas à cause du film. Fait que. Je reproche ça aussi à Shudder de peut-être rajouter des sous-titres prochainement parce que je suis quelqu'un qui. Oui, j'écoute mes films en version originale puis je peux comprendre, mais je préfère avoir des sous-titres en anglais en même temps parce que ça m'aide. Là. Surtout certains types de films comme là, des films un petit peu plus vieux où ce que des fois, soit le son est pas toujours bon. Ou soit c'est avec du vieil anglais ou des accents un peu plus prononcés. Les films australiens. J'ai bien de la misère avec les films australiens s'il n'y a pas de sous-titres. Non, c'est je dirais que c'est pas mal ça aussi. Fait que c'est ça. Puis souvent, moi j'écoute mes films le soir, souvent vers 10h30, 11h. Fait que je commence à être fatigué. Fait que des fois, les sous-titres, c'est juste un beau petit backup. Ouais. Fait que c'est pour ça que, Shudder, je les ai même écrits sur Twitter aujourd'hui là, pour lui dire hey, petit sous-titre serait le fun. Là. Je paierais une pièce de plus par mois là, s'il fallait. Là. Ça me dérangerait pas. Là. Pareillement. Ouais. Déjà que c'est pas très très cher. Fait que c'est ça. Fait que on n'a pas eu de Devils. Tout ça pour dire qu'on n'a pas eu de Devils. Et j'ai fouillé sur ma shame list. J'ai checké sur les services en ligne parce que je me suis dit non, on gossera pas sur un autre film obscur, difficile à trouver. Fait que sur Tubi TV. Qu'on s'est servi pas mal pendant nos 31 jours d'horreur, entre autres, et qui est quand même encore une sélection d'horreur vraiment intéressante. Honnêtement, c'est un service en or et c'est gratuit. Vous n'avez aucune raison de ne pas y aller, puis c'est légal. Fait honnêtement, je vous recommande fortement Tubi. Tubi.tv. N'importe quelle section, que ce soit horreur ou même leur petite section asiatique, là, ils ont des films difficiles à trouver des fois en DVD, puis je suis comme, waouh, c'est vraiment nice. Là. Puis il n'y a pas. Moi, tu sais, je sais qu'ils sont supposés de passer des pubs. Mais j'en vois pas plus qu'il faut. Honnêtement, c'est grave, ça dépasse deux pubs. Oui. Je veux dire, on est loin de Crackle. Là. Crackle, j'ai vraiment pogné les nerfs, puis je me suis dit, je regarde plus jamais un film sur Crackle. Puis tu sais, là, admettons quelqu'un qui dirait, j'aurais besoin de m'initier dans l'horreur, puis il y a plein de trucs que j'ai pas vu mes classiques. Va sur Tubi.tv parce que tes classiques sont pas mal toutes là. Là. Déjà en partant, quand t'as Suspiria dans ta liste, c'est parce que c'est hot, là. Ouais, je pense qu'ils ont toutes. Ils ont-tu toutes les Friday the 13th? Je pense que oui. Une grosse partie, en tout cas. Je pense qu'ils ont Never Sleep Again. Ils ont-tu Crystal Lake? Je pense. En tout cas, tu sais, ils ont vraiment une belle suggestion, là. Quelqu'un qui me dit j'ai rien trouvé de bon là-dessus, là. Fuck that, là. C'est pas vrai. Fait que c'est ça, j'ai fouillé sur Crackle. Pas sur Crackle, rien, non, tu me fais dire là, toi. Je te mélange, je sais. C'est le Red Rum qui tape fort. j'ai checké sur 2B.TV et finalement, on a choisi Shopping Mall. Yeah, et là, j'entends déjà du monde dire ben là, c'est parce qu'une shameless, c'est supposé être des gros classiques, puis Shopping Mall, ça n'a pas la réputation d'être un gros classique. Attendez, on va tout de suite vous le dire. Ce que vous savez pas, c'est que dès que Barbara Crampton est dans un film, c'est une shameless. Même si elle joue dans un film de David Decoteau, on s'en fout. C'est un film de shameless aussi. Parce que nous autres, on a la maladie Craptonienne. Oui, oui. On est le fan club de Barbara Crampton, moi et puis Steven. C'est bon qu'on soit juste nous deux. On peut, on va pouvoir divaguer puis se perdre là-dedans à fond. Mais... juste pour vous faire languir un peu, c'est pas avec Shopping Mall qu'on va commencer, mais bien avec The Ed Asens. Donc, on va laisser la petite madame crier. Ben, avant, t'avais rien d'autre à dire? Non, je suis prêt à aller avec la petite madame qui crie. Je l'adore, cette femme. Ok. Ah oui, Steven, fais-la crier. Vas-y! Donc, on commence ma shame list avec le film The Innocents, film de 1961 réalisé par Jack Clayton et non Layton. Bon, c'est la seule fois qu'on fait le gag là-dessus. il a réalisé entre autres Gatsby le Magnifique en 1974 et ainsi que Something Wicked This Way Comes en 1983, un film qui m'intrigue depuis longtemps. Je ne savais pas que c'était lui. Je ne sais pas si ça dit quelque chose ce film-là. De nom, mais je me souviens pas d'avoir vu. Ouais. Ah oui, en fait, c'est sur ma chaîne list aussi parce que j'ai acheté le DVD il n'y a pas longtemps et apparemment que c'est vraiment bon. Ouais, ça m'intrigue beaucoup. Donc, c'est ça. Ça met en vedette Deborah Kerr, qui, selon elle, ce serait sa meilleure interprétation à vie. Elle avait joué, entre autres, dans The King and I en 1956. Et ça met aussi en vedette le petit Martin Stephens qu'on a pu voir dans Village of the Damned. Et ça raconte l'histoire de Miss Giddens, une nounou qui hérite de la garde, qui est engagée pour garder deux enfants qui viennent d'être comme... laissés à leur oncle, et leur oncle veut rien savoir d'eux autres. Lui, a une vie de bohème, de jeune célibataire. Il voyage, tout ça. Donc, il n'en a rien à faire de ses enfants. Fait qu'il dit, va-t'en dans ma maison de campagne et élève mes enfants, et je veux plus jamais entendre parler de vous autres. Et fait qu'elle décide de le faire. Et quand elle arrive, les enfants sont charmants jusqu'à ce qu'elle commence à se demander si l'ancienne nounou ainsi que son copain à elle, qui sont morts, ne seraient pas en train d'influencer ou de posséder les enfants. Pas mal ça? Ouais, c'est pas mal ça. Ouais. J'ai vraiment aimé. J'ai vraiment aimé The Innocents. je vois la face, Steven. J'ai hâte de voir. C'est un film de son époque. À la même époque, on a pu avoir The Hunting, 1963, je pense. Oui. Donc, à peu près à 2 ans d'intervalle. Masterpiece. Ouais. Et on a un genre d'horreur qui est un peu différent de The Hunting, dans le sens qu'on est beaucoup moins dans les faits. Exemple, The Hunting, il y avait des bruits beaucoup, il y avait, tu sais, la musique, tout ça. Dans The Innocents, on est une petite coche en dessous. Plus subtil. Beaucoup plus subtil. Mais avec une photographie incroyable. Visuellement, ce film-là est de toute beauté. J'ai écouté une couple de documentaires sur le film et il paraîtrait pour certaines scènes, c'était 50 lampes qu'ils utilisaient pour réussir à faire le plan. Ils disaient qu'ils ont utilisé toutes les lampes que le studio avait. Il n'en restait plus. Le gars de la photographie, il avait en tête des choses puis il les a faites. Sérieusement, il y a des cours de direction photo dans ce film-là. C'est vraiment hallucinant. Côté horreur, moi, j'aime l'horreur de ces vieux films-là. Il y a des trucs vraiment efficaces. Il y a quelques apparitions que tu fais comme « Oh, creepy, j'aime pas ça! » Il n'y a pas de jump scare vraiment là-dedans. Je ne veux pas embarquer dans ton avis, là, parce que je vais dire ma petite amie après, là, mais oui, c'est... C'est ça. Les enfants sont géniaux. Ben écoute, le petit Stephen, comment il s'appelle? Je l'ai appelé... Martin Stephens, qu'on avait connu dans Village of the Damned, est incroyable dans ce film-là. Je suis même pas étonné qu'il soit populaire à l'époque pour ce genre de rôle-là. On s'entend qu'il l'a, là. Écoute... T'sais, on reproche souvent les performances d'enfants dans ces années-là, mais honnêtement, avec lui, là, même dans Village of the Damned, il est vraiment excellent. La petite fille aussi était écœurante. Écoute, avec eux autres, puis de Bad Seed, je m'excuse, il y a du cours d'acting en estiche dans juste ces films-là. Définitivement. Les enfants sont incroyables. Ils jouent un creepy vraiment subtil, encore une fois. C'est pas des enfants qui essayent d'être creepy, c'est des enfants qui sont creepy. Ils n'ont pas besoin de se forcer. Clairement, tu sens que le réalisateur ne leur a pas demandé d'être creepy. la façon qu'ils tournent, la façon le texte qu'ils ont à dire, c'est suffisant pour les rendre compte. C'est parce qu'ils prennent ce qui, en temps normal, on trouve charmant chez les enfants et ils rendent ça creepy. Autrement dit, le film s'appelle The Innocents, ce qui fait du sens parce que c'est souvent avec les rires d'enfants qui peuvent sembler innocents, leur expression faciale qu'en temps normal on trouve cute, mais c'est tout le contraire dans ce film-là. Chaque expression ou rire des deux enfants procure un malaise assez fort par moment. Les secrets des enfants, leur façon de pas répondre aux questions quand tu leur poses des questions, que tu sais, t'es comme, je te pose une question, écoute-moi, je te parle. Mais là, l'enfant répond pas, t'es comme, pourquoi est-ce qu'il répond pas à l'enfant? C'est-tu parce que c'est un enfant? Le film essaie de jouer beaucoup dans l'ambiguïté, à savoir est-ce que tout ça est dans la tête de Miss Giddens ou pas. D'après moi, le livre qui s'appelle The Turn of the Screw est peut-être mieux fait pour ça, pour donner l'ambiguïté de est-ce que cela est vrai ou pas. Tu l'as lu? Non, de ce que j'ai lu, j'ai été voir un peu sur Internet voir c'était quoi les différences. Et clairement, il y a vraiment ils ont mis l'accent sur certains trucs que le film ne fait pas. Sans prendre un parti, je pense que le film réussit pas à nous donner vraiment une ambiguïté. On y croit aux fantômes, en tout cas moi j'y ai cru. Mais c'est ça, écoute, je pense qu'on y va dans l'échange, Steven. Go, envoie, embarque. Écoute, moi j'ai, comme toi, j'ai eu une claque en fait. J'ai été déstabilisé. J'arrivais pas à comprendre qu'un tel film ait pu sortir dans ces années-là. C'est fou. Il se démarre de tout ce qu'on a vu. À l'époque, la Hammer, je veux dire, était au sommet, qui offrait des films vraiment plus classiques, conventionnels, dans un moule pas mal plus à l'aise, si on veut. Et The Innocents sort du moule que les gens sont habitués de voir. Et je trouve ça étonnant parce que c'est un film que j'ai pas vraiment entendu parler, et c'est moi qui est inculte, là, parce que c'est considéré vraiment comme un très grand chef-d'œuvre. Et c'est juste moi qui ne peut attendu pour X raisons. Mais dès que tu finis d'écouter ce film-là, tu te dis « Ok, je comprends comment d'où s'est inspiré Alejandro Amenábar pour son film The Other avec Nicole Kidman, parce que c'est incroyable. » comment... Mais on va pas rentrer là-dedans. Non. C'est pas le but. Écoute, toi, tu reproches que l'ambiguïté est moins réussie que le livre, d'après toi. Moi, c'est tout le contraire. Je trouve que cette ambiguïté, elle vague tout le long du film. Oui, on a des images claires, on a des choses qui sont claires, mais le réalisateur a une manière de vaguer, la manière de filmer, la manière de montrer les scènes qui fait en sorte que j'y crois cette ambiguïté qui, par moment, on va dire, là, la performance de Deborah Kerr est phénoménale. Là-dedans, la fille est complètement investie dans son rôle et sa folie qui est vraiment graduelle parce que le film, on va se le dire, c'est un slow burn, comme la plupart des films de ces époques-là, mais il construit vraiment bien l'évolution, autant de la nounou. Moi, je veux dire, apparemment, il faut plus dire gouvernante, là, mais oui, on peut dire nounou aussi. Ouais. Mais autant des enfants qu'elle, et il y a une manière malaisante de montrer ce personnage-là qui semble voir le sexe, entre guillemets, un peu partout et qui le voit carrément dans ces deux enfants-là, ce qui amène par moments un côté très très tabou pédophile, on va se le dire tout de suite. Là. Évidemment, c'est pas aussi pire que ça peut paraître vu qu'on est quand même en 1961, mais je veux dire, pour un film de 61, moi je m'attendais zéro à ça. Et le troisième acte, le dernier acte du film, le plan final, moi, m'a littéralement chamboulé. Écoute, tu l'as dit, Sébastien, la photographie de ce film-là est incroyable. Jit Layton, c'est sa deuxième réalisation. Fait que ce film-là confirme que c'est vraiment un grand réalisateur, qu'il n'a pas une filmographie énorme, mais sa manière de mettre les apparitions qui sont tout le temps subtiles, jamais gratuites, jamais comme on va te foutre plein d'apparitions de fantômes pour t'effrayer. Non. Chaque apparition a une raison d'être. Et honnêtement, l'apparition sur le lac avec la dame en noir est une des apparitions qui m'a le plus donné chair de poule, plus que toute la durée du film avec Daniel Radcliffe de Woman in Black. Il n'y a pas une scène qui m'a donné la chair de poule que j'ai eu avec celui-là. Ben, moi, l'apparition à la fenêtre, là, la première... Elle est vraiment réussie aussi, solide. Elle t'arrive là, comme une claque, là, puis t'es comme « Ah! Ah! Calice que ça soit! » Man, ça me... Puis il n'y a Il n'y a pas d'effet, je veux dire, dans le sens qu'il n'y a pas d'effet spéciaux de maquillage, rien. C'est vraiment juste dans le juste titre de la réalisation. Puis comme tu dis, l'éclairage, grâce à l'éclairage incroyable, ça donne un sentiment de malaise, les yeux, les plans sur les yeux des fantômes ou par moment où ça prend juste un plan large de loin, pas besoin de la voir comme il faut, juste une silhouette dans un jardin sur le haut d'une tour du manoir, parce qu'on va se dire... Le manoir, en tant que tel, est un autre personnage du film très, très présent. Vraiment, l'atmosphère est super travaillée de ce film-là. Moi, j'étais submergé du début jusqu'à la fin. Là. Beaucoup d'apparitions en plein jour. En plein jour qui fonctionnent? Oui. Oh, ouais. Tu sais, celui-là que je t'ai mentionné, celui-là du lac, justement, c'est en plein jour. Puis honnêtement, c'est elle. Même chose, c'est elle qui me foutu le plus de malaise. Mais aussi les discussions avec les enfants, les ambiguïtés, les choses qui vont dire, un petit murmure. Tu sais, vaut mieux pas en parler. Oui, le petit gars, la façon qu'il a de lui parler, de tout le temps la charmer, genre, ah, voyons donc, mais tu devrais pas t'en faire comme ça, t'es tellement belle. Puis, je trouve comme. Il est tout le temps en train de dire à quel point qu'il est belle, puis qu'elle est belle, elle est charmante, puis t'es comme. Mais ça se dit pas des choses de même, c'est vraiment. Il y a une manière. Ces enfants-là, surtout lui, on va se le dire, je vais tout aller chercher son nom pour plus dire juste lui, là, mais c'est. Martin Stephens. Miles. Il y a une manière de s'exprimer très adulte, ce qui vient rajouter au fait qu'on peut croire qu'il est possédé, mais en même temps, on dirait que le personnage de Deborah Kerr, Miss Gideon, a une obsession, elle a une espèce de désir enfoui qui, on dirait que. Elle voit ou elle entend ce qu'elle a envie d'entendre. On dirait qu'on a une espèce de côté fantasme qui surgit. Et là, ce qui est troublant, c'est que ça vient se relier à des enfants qui seraient possédés par des anciennes nounous qui ont eu des relations sexuelles. On apprend qu'il y avait genre des relations sexuelles puis qu'ils laissaient les enfants regarder, quelque chose comme ça. Il y a de quoi de malaisant, de dramatique. Je veux dire, c'est vraiment fort, là. Tu disais, tu sais, il y a le sexe partout, là. Tu sais, je pense que cette séquence-là m'a marqué. À un moment donné, elle entend comme les voix des fantômes, puis clairement, les fantômes sont en train de soit avoir du sexe, quoi que ce soit. Puis t'as juste comme la petite corde du rideau qui bat contre la fenêtre. Qui fait un va-et-vient contre la fenêtre. Puis à toutes les fois qu'il cogne, t'entends le fantôme faire « Oh yes! Oh yes! Oh yes! » Puis t'es comme... Je suis en train de regarder une corde taper comme une vitre, pis c'est du cul que je regarde. T'es en 1961 pis t'es en train de regarder une scène de sexe déguisée. C'est mon gars. Il y a vraiment de quoi de maîtriser. C'est génial. Puis j'ai oublié de le dire, là. Je te dis, le petit Martin Stephens, là, c'est lui qui jouait dans Village of the Damned. Mais la petite fille, c'est Pamela Franklin, OK? Elle, c'est elle qui jouait dans Legend of Hell House. Qui jouait la jeune... Oh my God! La jeune médium qui était charmante comme tout et qui était tellement écœurante. Qui est un de mes films de maison hantée favoris. Là, fait que c'est tout relié, ces films-là. Wow, t'as-tu vu comment que t'es la combinaison gagnante pour avoir de quoi de bon, là? Évidemment, Legend of Hell House, c'est en 12 ans plus tard, mais déjà là, tu le vois dans la petite actrice, le talent, là. Puis un moment donné, on le dira pas, là, mais tu sais, elle snap, la petite fille, là. Puis au moment où elle snap, là, la charmante vient de disparaître, là. Non, c'est plus le fun, là. C'est plus le fun de l'avoir allé, là. Et j'arrive pas à comprendre, par contre, comment tu peux trouver que l'ambiguïté est pas présente, justement, lors de sa finale. Je trouve qu'on a vraiment zéro réponse. Il y a rien de clair, vraiment. C'est peut-être à cause qu'on voit des choses. Mais en même temps... On voit peut-être, est-ce qu'on a une confirmation de... ou est-ce qu'elle a tellement forcé les choses que tu comprends que... Mais c'est parce que le dialogue entre les deux, là, hey, puis c'est un long dialogue, là. Puis ça dure peut-être, quoi, 5-10 minutes, toute cette longue discussion-là. Tu sais, là, c'est du Tarantino. C'est du Tarantino de... On part avec une discussion bien banale, mais... T'as les deux personnes qui ont de l'air à vouloir sous-entendre plein de choses jusqu'à ce qu'à un moment donné, on fasse comme « Oh non, shit, ça va pas bien, là, ils vont se dire les vraies affaires, puis ça va être shit hits de fans, mais c'est ça qui se passe, là. C'est-tu ce qui fait en sorte, moi, que pour ma part, je trouve que l'ambiguïté marche toujours autant, c'est le fait qu'il y a aucune scène, en tout cas de mémoire, là, mais il y a aucune scène qui se déroule en dehors du personnage de Gideon ou qu'elle est jamais présente. On n'est jamais seul avec les enfants sans que Gideon soit pas là. Enfin, j'ai tout le temps l'impression que la caméra fait en sorte qu'on soit tout le temps du point de vue de Gideon, que la perspective qu'on voit, c'est tout le temps de elle. Enfin, c'est pour ça que j'arrive à me dire que je peux y croire que qu'est-ce qu'on voit, c'est vraiment les images de elle. Mais tu sais, j'ai pas choisi un des deux bords. Autant je pourrais croire que c'est vraiment deux enfants possédés, autant je pourrais croire que c'est elle qui est juste en train de tomber dans une folie incroyable. Et honnêtement, les deux côtés me plaît. Ouais. Et je suis content de pas avoir de réponse parce que j'aime les deux côtés que le film offre. Ça a beaucoup de potentiel, ça. La discussion du début entre elle et l'oncle, c'est pas banal. Oui. Parce non. Que, qu'est-ce qu'il dit? La première chose qu'il demande, c'est « J'ai une question pour vous. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui avait de l'imagination? » Puis elle fait « Oui, beaucoup. » Puis là, t'es comme « Ok, tu nous as pas dit ça pour rien, man. » Tu sens que le réalisateur veut le faire, mais c'est ça. Peut-être parce que j'ai pas cherché à me poser de questions s'il y avait une ambiguïté. J'ai tout de suite pris un bord puis je l'ai gardé jusqu'à la fin. Mais tu sais, quand tu penses à l'autre aspect, justement, sexuel refoulé, tu repenses à d'autres phrases qui sont mentionnées dans le film et ça te porte à réfléchir. Tu sais, le moment qu'on la voit au début, c'est comme sur un... Tu sais, on l'a pas dit, le film s'ouvre sur un écran noir. Je pensais qu'au début, ma vidéo était foquée. C'est vraiment une chansonnette qu'on entend pendant peut-être une trentaine de secondes. Un thème musical qui va vous rester en tête, juste pour vous préciser, et chanter tout le long du film. Ensuite, on voit le logo de la 20th Century Fox avec cette chansonnette-là. Puis je suis comme... Ça, le... Ouais. Et wow, chapeau, l'ambiance est déjà posée. Mais c'est le fait que tu vois ce personnage-là en train de prier et qu'elle dit, s'il vous plaît... Laisser les enfants tranquilles. Ce que j'aime le plus au monde, ce sont les enfants. Puis j'ai juste voulu les sauver, quelque chose comme j'ai ça. Juste voulu les sauver, puis j'ai tellement d'amour à donner aux enfants. Puis je sais pas, il y a de quoi qui me fait relier les phrases qu'elle dit tout le long avec qu'est-ce qu'elle a, la façon qu'elle a d'agir. Et, puis la genre de femme qui est déjà là, Miss Groves. Oui, l'autre bonne à tout faire, son ouais, c'est ça, qui est comme elle, a toujours été là, puis a comme la gouvernante en chef, de, je sais pas trop comment tu pourrais appeler ça. Elle a aussi est intéressante comme personnage, parce que au début, nonsense and je sais pas trop quoi, là, stuff and nonsense, elle dit tout le temps ça, là. Oh, stuff and nonsense. Puis à un moment donné, elle fait comme écouter Giddens, puis ok, je vais te croire. On va essayer de la regarder ensemble. Mais tu sens qu'il y a juste comme... Je pense que c'est juste parce que t'as besoin d'aide. Je suis pas tout à fait avec toi, là, tu sais. Mais même avec ce personnage-là, ils ont pensé au côté ambigu parce que par moment, elle va dire qu'elle croit, mais après ça, elle semble dire qu'elle change d'opinion. Fait qu'elle vague d'un bord puis de l'autre. Puis encore là, t'es pas capable de savoir si ce personnage-là est vraiment décisif sur sa décision, elle est vraiment précise. Puis encore là, non, il n'y a pas un personnage qu'on peut se dire, lui, c'est clair que c'est ça. Non, tout le monde doute dans ce film-là. Et il y a un côté vraiment très isolé où que, il est supposé avoir des cuisiniers, des jardiniers, tout ça. On voit vraiment personne d'autre à part la nounou qui fait le ménage, Madame Gideon, puis les enfants. Oh, t'en vois une à m'amener une scène. Puis elle finit juste faire comme les enfants sont couchés, puis à part. Mais je sais pas, ce côté-là, isolé, je trouve que ça renforce la genre de descente psychologique du personnage. C'est vraiment fort. C'est qu'il a jamais fait en sorte que les lieux deviennent des lieux effrayants. À part peut-être la chambre à coucher. Le jardin. Je te dirais que le jardin, il laisse planer quelque chose. Ouais, avec vrai, les statues vraiment bizarres, puis le fait qu'il y a plusieurs plans du haut de la fenêtre qu'on voit. Je te dirais pas qu'il sert du décor comme de quoi d'horrifique. J'ai juste l'impression qu'il laisse planer quelque chose à chaque plan. Ouais, t'as raison. Il force rien. Il laisse les y a rien qui est forcé. Tout coule. Ouais. D'ailleurs, l'actrice qui joue Miss Groves en 1974 a joué dans un TV movie de Turn of the Screw puis elle a rejoué Miss Groves. Ouais. Ouais. c'était comme... On veut elle encore. Puis honnêtement, si parmi nos auditeurs, il y en a qui doutent un peu du cinéma noir et blanc, qui n'osent pas s'aventurer vers là parce qu'ils se disent que c'est trop vieux ou peu importe. Honnêtement, celui-là, il contient vraiment des scènes qui rajoutent des couleurs, puis ça serait un film d'aujourd'hui, ça serait autant efficace. Je veux dire, c'est un film qui n'a pas perdu rien depuis toutes ces années. T'as une longue séquence avec le chandelier, encore là, travail incroyable, photographie, éclairage. dans le couloir, là, puis il y a des apparitions, il arrive toutes sortes de trucs à ce moment-là, puis honnêtement, là, tu restes sur le bout de ton siège ouais, tout le long. Cette séquence-là, c'est quasiment comme une ride, là, tu sais, là. Ah, exact, c'est pas mal la séquence là, que ouais. tu vas te tenir tout le long. Là. Ouais, mais tu l'as dit, c'est un slow burn. Faut aimer le genre, c'est vraiment c'est très très slow burn. Oui, le deuxième acte peut peut-être paraître long. Tout le moment où elle essaie de savoir, puis de convaincre, puis d'interviewer les enfants, puis tout ça. Mais il y a un build-up là-dedans, puis le build-up c'est dans elle qui se passe. C'est vraiment un film de maison hantée gothique à l'ancienne. Moi, ça me. Ouais. Ben à l'ancienne, ça se passe déjà dans son époque, mais c'est que moi, ça me touche. J'adore cette époque-là. J'adore ces films-là. Ça vient plus me chercher dans mes palettes de goût que. J'adore Insidious, mais je veux dire que tout ce qu'on a derrière moi, là, vraiment, là, des films plus modernes, jumpscare, tape à l'œil. Moi, je suis plus quelqu'un qui préfère justement les vieux manoirs magnifiques avec une ambiance. Puis, tu sais, je me rappelle plus si on avait parlé dans l'épisode ou hors, mais The Others avec Nicole Kidman, tu sais, ramenait à ce style de cinéma. Puis, même chose pour Del Toro avec Crimson Peak, ouais. qui est un retour. Et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé Crimson Peak parce que c'était un slow burn, puis ils trouvaient que c'était pas exactement à quoi ils s'attendaient. C'est un peu ça avec The Innocence, ça sera pas forcément le film que vous attendez plus classique de maison hantée, mais ça propose de quoi que honnêtement qu'on a rarement vu dans le cinéma et moi ça m'a vraiment fessé, je m'attendais pas à prendre une claque comme ça. Vraiment. Écoute, on pourrait en parler pendant des heures, je pense. On veut pas spoiler. Je vais dire une chose par contre. Ceux qui ont vu le film, peut-être qu'ils vont avoir pensé à ça aussi, mais toi, je suis vraiment curieux, Sébastien. Il y a une scène très, très, très marquante avec le jeune garçon Miles, où il y a un monologue. Et ce monologue-là me fait autant capoter que le jeune garçon dans The Witch. J'étais comme, my God, qu'il est bon, le jeune acteur. J'étais bon, ce petit gars-là, ça n'a aucun putain de bon sens. Il est vraiment solide. Oui, je sais de quoi tu parles, puis c'est vraiment malade. Puis, bon, cette scène où ce qu'elle va, elle va le border, c'est que la scène te fait faire comme « What? » Mais le film te laisse le temps de faire « What? » Tu sais, le film le sait que t'es comme en train de faire « Qu'est-ce que je viens de voir là? » Et il te laisse des pauses. J'avais checké, en regardant des documentaires, comme quoi la moyenne de durée des plans est de 8,7 secondes dans ce film-là. Les plans ne sont pas que faits pour nous montrer des dialogues, ils sont aussi faits pour nous montrer et des lieux et les personnages. Tu sais. Puis c'est ça, regarde Deborah Kerr, elle pense que c'est sa meilleure interprétation. J'ai pas vu toutes ses interprétations à vie, mais sérieusement, je serais pas gêné de dire que c'est ma meilleure interprétation à vie si je t'en dirais ça. Le montage ne coupe pas ton feeling d'une scène. T'as le temps de la savourer. Des fois, tu vas écouter un film, puis le montage est tellement brusque que sur le coup, t'es supposé avoir peur, mais c'est disparu après 5 secondes parce que t'es déjà rendu ailleurs. Là, il te laisse vraiment avec ce sentiment-là. Et on va le dire souvent, les défauts qu'on voit souvent dans ces films-là de ces années-là, des fois, il y a beaucoup des problèmes de montage et de transition. Et cette-là, j'étais vraiment impressionné par les transitions de scène où il partait d'une lumière, d'un rayon de soleil pour enchaîner sur une autre scène où que ça fait une transition avec un chandelier ou de quoi. Puis les transitions sont vraiment calculées puis super bien faites. Le montage, honnêtement, là, c'est vraiment, vraiment réussi. J'étais vraiment impressionné. Écoute, je pense que j'ai pas besoin de te demander c'est quoi ta recommandation. Écoute, je viens de voir qu'il y avait un beau Criterion avec une affiche incroyable dessus. Je sais pas si c'est une restauration 4K, ce qui serait malade. Ben, je sais pas si c'est 4K. Non, je pense qu'il n'est pas 4K. Okay. Mais j'ai vu le trailer de la restauration sur le site de Criterion. Et man, c'est beau. C'est beau, c'est beau de chez beau. Ben, écoutez, moi, ce que je vais faire après cet épisode-là, je vais mettre ça dans mon panier parce que j'ai les moyens en ce moment, je vais en profiter, je vais me commander ce Criterion et c'est ça que je vous recommande, chers auditeurs. Évidemment, on peut pas toujours vous dire allez acheter un Criterion, mais vous avez un DVD à 8 et quelques usagés, 10 piastres, ouais. Tentez le coup avec les DVD. Moi, j'ai le DVD, il est très, très beau. Il est très, très, très beau. T'as le full screen et le wide screen. T'as-tu les bonus? Non, t'as les sous-titres, mais regarde. C'est une traduction pour ceux qui sont un peu allergiques au film en anglais. Ou y a-t-il une traduction en français sur le DVD? Ou non, c'est juste en Spanish. Non. Spanish? Ok. Non. Mais regarde, achetez-le, que ce soit le Criterion ou le DVD. Le DVD est vraiment abordable. Moi, c'est sûr que je le réécoute plusieurs fois dans ma vie. Je vais vouloir le resavourer, probablement le faire écouter à ma blonde. Si vous faites une collection de films d'horreur, honnêtement, moi je l'ai dit tout de suite, c'est vraiment un nouveau chef-d'œuvre que je viens de découvrir qui va se mettre à côté de The Hunting, qui est différent, mais qui est du même calibre selon moi. Et je le recommande fortement. Moi, t'as Bad Seed, The Innocent, The Hunting. Puis après ça, tu termines avec The Legend of Hell House, que j'ai découvert aussi pour la première fois avec Scream Factory. Puis j'étais comme, comment j'ai pas pu voir ces films-là avant? Je regrette. Écoute, juste parce que cette chanson-là nous est restée dans la tête, j'ai trouvé une reprise de Oh Willow Wally, de la petite comptine qui est chantée tout le long du film. J'ai pris une version qui n'est pas creepy, mais sérieusement, vous allez écouter ce film-là et elle va vous rester dans la tête pendant des jours. On se retrouve après pour Shopping Mall. Hey, à la fin des épisodes, on dit tout le temps « garder ça horreur ». Comment est-ce qu'on fait pour garder ça horreur? Pour garder ça horreur, JF, il y a plusieurs moyens. Premièrement, sur iTunes, on peut donner 5 étoiles au podcast, en plus d'écrire un commentaire, comme ça, ça nous fait monter dans les recommandations. Ensuite, à la fin des billets sur notre site, on peut trouver un lien Amazon qui nous amène sur le site Amazon. Dès qu'on fait un achat, Horror Gamer reçoit une ristourne. Puis en plus, hey, c'est simple, tu peux juste en parler à tes amis puis dire à quel point Horror Gamer, c'est un podcast tellement cool. C'est quoi l'adresse du site? www.horrorgamer.ca. Fait que tout le monde, gardez ça horreur. Eh bien, on continue la belle chemise de Sébastien avec un film complètement différent. On s'en va ailleurs. Bye bye les manoirs gothiques et les cadrages minutieux. L'ambiance. Parce que aujourd'hui, on s'attaque à Dawn of the Robot, réalisé par George A. Robot. Non, c'est pas vrai. Dawn of the Robot, c'était quoi? Non, il va avec Chopping Mall de 1986, qui est réalisé par Jim Wynorski, qui a réalisé au-dessus de 103 films qui vaillent dans tous les genres, beaucoup de série Z, beaucoup de série B. Notamment, je connais surtout, exemple, Goody Cat, 976 Evil 2, qui est inclus dans le même coffret que j'avais de... Oui? Ouais, le 2. Evil 2, ouais, ok. Il faut le spécifier, c'est 2. Et qui met en vedette, en fait, pratiquement personne qu'on connaît, sauf, évidemment, on l'a mentionné au début d'épisode, la belle Barbara Crampton, qui est présente, et un joli caméo de Dick Miller, qui, en fait, fait tout le temps ça, des caméos dans les films. Fait que c'est le genre de gars qu'on reconnaît tout le temps. Et ça raconte l'histoire, en fait, ça se déroule dans un centre commercial, évidemment, qui s'appelle le centre commercial Place Versailles. Non, c'est pas vrai, je vais arrêter de niaiser. Le centre commercial Park Plaza. Et aujourd'hui, le directeur du centre commercial annonce une grande nouvelle. Il y a une nouvelle forme de sécurité. Bye-bye les gardes de sécurité avec les badges. Aujourd'hui, on a un troupeau de robots. Robots super technologiques qui peut empêcher les voleurs de diverses façons et qui va venir renforcer grandement la sécurité du supermarché et qui vont surveiller justement le centre commercial la nuit, qui est déjà barré avec des espèces de portes scientifiques antinucléaires. C'est assez intense. J'ai rarement vu ça dans, dans un centre commercial. Là, incroyable. C'est des sas. D'un sous-marin. Mais ce qui va arriver, c'est que une gang de 8 adolescents ou pré-adultes, là, c'est assez, ou adultes, tout court, vous savez comment ça se passe avec ces films-là, vont décider de passer la nuit en cachette dans le centre commercial pour fêter, pour boire, manger, avoir du sexe, écouter des films d'horreur sur la télévision. Mais il va y avoir malheureusement une espèce de fuck à cause d'un éclair et les robots vont se mettre en mode meurtrier et ils vont, durant toute la nuit, poursuivre nos 8 adolescents et ça va être un jeu de survie entre eux et les super robots. Fait qu'en gros, c'est pas mal ça. Fait que c'est ta shameless, Seb. Fait que je crois qu'on va y aller avec ton opinion. Ouais, mais écoute, moi, Shopping Mall, je sais pas pourquoi j'avais eu cette suggestion-là. je pense que j'avais pogné qu'à un moment donné, il y a un épisode des Simpsons où Bart et Milhouse restent enfermés dans un centre d'achat avec un genre de tigre ou un puma ou je sais pas trop quoi. Ouais, ça se peut. J'avais lu que ça faisait référence à ça un peu, tu sais, à Shopping Mall. Ça avait été inspiré par Shopping Mall. J'étais comme, ok, Shopping Mall, cool. Puis j'écoute ça. Shopping Mall, c'est un slasher dans un centre d'achat avec des robots. Comment ça, là, tu sais? Les codes du slasher sont là, tu sais, si tu fais l'amour, si tu te montes tout nu, si tu vas mourir, tu sais, le nerd avec sa blonde vont survivre, tu sais, tout ça, puis écoute, c'est, autant que c'est un film que c'est du bonbon, autant que je commence déjà à l'oublier, tu sais, je suis comme, ok, c'était divertissant, c'était vraiment cool, mais j'ai déjà de la misère à me rappeler de la façon que les trois robots meurent, tu sais. Ben déjà, en partant, il y a plus que trois robots, fait que tu vois comment tu t'en souviens. Mais non, il y en tue bien plus que trois dans ça, il y en a au moins 4-5. Non, il me semble qu'il y en a trois au début. T'as peu, toi, là. Excuse-moi. Tu challenger, là, c'est-tu mon challenge? Il y a au moins 4-5 robots. Hey, sur IMDb, c'est 3 Murderous Security Robots. Ouais, ben, il y en a un que tu penses qu'il meurt, puis il revient. Il y en a un que tu penses qu'il meurt, puis il revient. Ouais, mais il y en a trois minimum qu'ils crèvent d'aplomb. Là. Fait que dis que c'est sûr qu'il y en a un. Non, c'est parce qu'il y en a un que tu penses qu'il est mort puis il n'est pas mort. Ok, tu sais quoi? On va revenir là-dessus. Prochain épisode, chers amis, je reviens avec Sébastien sur savoir est-ce qu'il y a 4 ou 5 robots. Okay. Ou 3. Pour 4 ou 5, ouais. Fois. Faut que ta réponse. Faut que ta réponse à moi. donc, c'est ça. Écoute, c'est le cliché des ados, la gang d'ados, le jockey, puis la fille cool, la fille sexy, puis tout ça, puis Barbara Crampton, puis... écoute, t'écoutes pas ce film-là pour te prendre au sérieux, t'écoutes ça pour avoir du fun, t'écoutes ça pour voir des kills, t'écoutes ça pour voir... comme t'écoutes un slasher, t'écoutes ça exactement comme tu t'écouterais un slasher, puis c'est ça que t'as. C'est vraiment divertissant. J'ai eu du fun. J'aurais voulu l'écouter avec du monde. Parce qu'après ça, j'en parlais au bureau, j'envoyais des séquences du film. Tu sais, là, genre, j'avais filmé des séquences du film pour leur montrer. Nice. Puis c'était comme, ah, ça a l'air solide, tu sais. Fait que, j'ai posté des trucs sur mon Instagram. Vraiment, tu sais, c'est le genre de film que je voulais écouter pas tout seul. Mais je vais te le dire, moi je crois que Shopping Mall fonctionne pareil tout seul et que c'est pas nécessaire d'écouter en groupe. Oui, ça doit être meilleur, je l'imagine, mais je trouve que contrairement à d'autres films où on se dit « Ah, je pense que j'aurais eu plus de fun avec des autres », j'ai pas l'impression que ça s'applique à Shopping Mall parce que, comme toi, c'est un film que j'ai beaucoup de fun, que j'ai vu plusieurs fois, mais que j'oublie. Fait qu'à chaque fois que je le revois, il y a des choses que je me rappelais plus. Mais, étonnamment, ce film-là, il y a un petit goût de « Revenez-y ». Parce que ça a un charme, je sais pas, je pourrais pas te dire c'est quoi, mais ce film-là, il a vraiment un petit charme. Et je trouve que c'est un des films des années 80 où qu'il y a une affiche vraiment cool, parce qu'on va se le dire, son affiche est vraiment nice, mais que le film te donne ce que son affiche annonce. L'affiche est cool, puis c'est un petit film cool. Honnêtement, oui, les robots sont très cheesy, ils sont vraiment ancrés dans leur époque, mais honnêtement, pour un film à petit budget, je veux dire, c'est quand même nice. C'est vraiment des vrais robots automatisés qu'on fait. Ouais, contrôle à distance. Contrôle à distance. Pas mal plus beau que dans Hardware. Oh boy. Ok, je rouvre la guillemets. Non, je rouvre la guillemets. Un jour, Seb, on va faire un nouvel épisode. Et je vais être préparé en salle. Un nouvel épisode avec Hardware. Et je vais revenir en force. Parce que Hardware, c'est de la bombe. Fin de la parenthèse. Silence, Seb. Mais... on ne fera pas d'épisode sur Hardware. Mais... on va faire un épisode sur Hardware. Les 31 jours d'horreur vont me le permettre. Tu vas voir. Regarde, au centième épisode, là. Au centième épisode, tu auras le droit de revenir sur Hardware. Ok, c'est bon. Génial. J'aime ça. J'adore ça. On se fait un segment. Steven reprend sa revanche. On invite Pierre, puis... Tu prends ta revanche. Méchante bonne idée. Mais tu l'as dit, Chopping Mall, c'est un slasher. On va suivre un groupe d'ados puis qui vont se faire poursuivre des robots puis vont essayer de survivre. Mais contrairement à bien des slashers, je trouve que le groupe d'ados est quand même fun à suivre. Il y a une couple de personnages que je trouve agréables. C'est sûr qu'on va dire Barbara Crampton, mais je dis les deux petits nerds là, qui osent pas trop s'embrasser qui écoutent un film d'araignée des années 50. Moi, je trouve ça nice. Puis j'y trouve cute. La fille qui est comme la celle-là qui répare le char au début, tu sais. Moi, je pensais qu'elle utilisait ses skills de réparatrice de char pour fucker les robots, je sais pas trop, tu sais. Non, elle les utilise pour finalement pas grand-chose, puis ce qui lui arrive est assez clair, net et précis. Mais en fait, ce que je trouve cool, c'est que oui, c'est la formule slasher, mais t'as pas besoin d'attendre 45 minutes avant que les meurtres commencent. Puis le film est bien rythmé, honnêtement. Sais-tu pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il dure 76 minutes. Et ça, c'est une bonne raison pour y revenir. 1h16, et là-dessus, il faut compter le générique. Fait que le film, il dure vraiment pas longtemps, mais justement, il y a quand même des kills qui arrivent rapidement, puis il y en a des vraiment cool, là, parce que les robots ont toutes sortes de skills. Ils font pas... Ça me fait rire. Les robots ont toutes sortes de skills. En tant que tel, ils ont été inventés pour la sécurité, arrêter les voleurs, et le gars le précise, ces robots-là ne peuvent pas blesser personne. OK, mais pourquoi tu leur donnes le pouvoir de lancer des rayons laser destructeurs? Tu sais, juste les petits câbles électriques là, pour les paralyser, c'est en masse. Pourquoi des lasers? Ça n'a pas de rapport. Tu regardes, tu fais comme, mais non, man, c'est overkill. En plus, tu regardes ça puis tu fais, vous avez vraiment besoin de ces robots-là quand vous avez des portes sas qui se ferment. Il n'y a personne qui peut sortir de là, plus des concierges. Je fais en masse. C'est pas une banque avec des lingots d'or. C'est un centre commercial comme les autres. Pourquoi votre centre commercial doit vraiment avoir une sécurité intense? Oui, c'est ça. Tu as l'impression que tu es dans Los Angeles 2054, puisque la criminalité est partout. Moi, là, le début, là, c'est Robocop. Ouais, littéralement, ouais, tu peux penser à ça. Sans la critique, là, c'est vraiment plus dans le style. C'est ça, c'est genre, on a inventé des super robots, puis t'es comme, t'as peu pourquoi? T'sais, dans Robocop, au moins, tu comprends pourquoi ils ont besoin de robots. T'sais, tu fais comme, ok, la shit est pognée. Mais là, tu regardes le centre d'achat, puis tu comprends vraiment pas. On s'entend-tu que les centres d'achat, c'est pas la place numéro un des vols, je veux dire? C'est la pire place pour aller faire un vol, man. C'est la pire place. T'es mieux d'aller faire un vol d'un magasin que pignon sur rue que dans un centre d'achat, c'est clair. Va dans un dépanneur, ça va être moins de trouble. Voyons donc. Mais le générique de ce film-là, qui est très humoristique, weird, j'ai eu du fun avec le générique, ça n'a aucun sens. Tu vois du monde, la fille qui se promène avec son cabaret de bouffe, puis qu'elle essaie d'éviter toutes sortes de monde qui va y rentrer dedans. T'as un petit garçon dans un ascenseur qui mange son carnet de crème glacée, puis t'as du monde en accéléré qui rentre et qui sort de l'ascenseur, puis que le petit gars il est rendu avec tout plein de crème glacée, puis je suis comme, OK, what the fuck? Ouais, tu comprends pas ce qui se passe. Le film essaye de mettre un ton, de mettre une ambiance, tu comprends pas ce qui est en train de se passer. Je me dis, ok, c'est campy, on est là pour avoir du fun, puis c'est à pas se prendre au sérieux, puis c'est un peu ça, tu sais, le film se prend pas trop au sérieux, puis c'est juste ça, c'est vraiment du fun, puis je veux dire, si on t'enfermé dans un centre commercial, le film a été fait après Dawn of the Dead, tu dis, ok, on espère qu'ils vont utiliser les magasins pour trouver des armes, des trucs, puis tu l'as. Tu sais, ta scène qui va rentrer dans le magasin d'armes, qui va prendre des trucs ou qui vont essayer de s'inventer des plans. Puis c'est le fun, tu sais. Je veux dire, ça fonctionne. Oh oui, puis tu sais, t'as même les deux employés au début, pendant qu'ils font en présentation, que les deux employés sont comme en train de chialer là-dessus. Moi, je m'attendais à y voir crever là, tu sais, pendant le film. Mais non, t'y reverras plus jamais. T'es comme, pourquoi tu m'as mis dans la phase sur ces deux personnes-là pour plus jamais les revoir? Est-ce que c'est drôle? Ce film-là est maladroitement bien fait, tu sais. Tu sens de la maladresse à plein de moments, mais à d'autres moments, tu fais comme, cool, c'est correct, c'est exactement ce qu'il fallait que tu fasses, tu sais. Fait que tu sens, c'est ça, tu sens le cœur dans ce film-là. Ben, c'est souvent ça que j'aime de ces petites productions de cette époque-là, parce qu'avant tout, eux, ce qu'ils veulent, c'est pas essayer de faire du cash ou essayer de faire du succès. Eux, ils ont le budget restreint, puis tout ce qu'ils veulent faire, c'est en un temps limité, essayer de faire un bon film, puis ou avoir du fun, peu importe. Puis Chopping Mall, ben, ça pue ça un peu. T'sais. C'est le genre de film que tu peux pardonner les maladresses parce que t'as juste du fun, puis que la sincérité est là. Puis honnêtement, je veux dire... des robots qui lancent des lasers, qui fait exploser des têtes. Qu'est-ce que tu veux de plus? Je veux dire. Écoute. Avec Barbara Crampton, je veux dire. Puis bon, on va le dire, là. Elle fait ce qu'on aime qu'elle fasse dans les films. Oui. Elle nous donne du sugar. On a notre plan sain de slasher qu'on retrouve dans tous les slashers. Mais dans un setup un petit peu malaisant. Moi, j'ai trouvé. Oui. Un setup malaisant avec un plan séquence ambitieux. Parce que c'est tout fait sur un plan. Écoute, on va le dire, là, c'est pas un punch. Là. C'est que son non, genre, de, son genre d'un magasin de meubles, là, genre Rona ou quoi de même. Puis, tu sais, d'un magasin de meubles, t'as tout le temps des setups de chambres à coucher. Il y a trois couples dans chacune des chambres à coucher qui baissent, t'es vois tous les trois tout nus, tu sais. Mais clairement, eux autres, ils ont juste à se lever les yeux et à regarder, puis ils voient tous les autres. Puis à côté de ça, t'as le couple de nerds qui sont dans le faux salon qui check la TV, tu sais. Premièrement, tu sais, bon, en tout cas, je sais pas si un Rona a vraiment le câble sur une TV. On va se dire qu'ils ont mis un DVD à la limite. Qu'ils ont pogné une VHS. Là, ouais, c'est une VHS. Mais, écoute, tu fais, ah ouais, sérieux, là, vous êtes comme ça, là. Vous êtes tout en train de baiser chacun de votre bord, mais, hey, salut, hey, t'as-tu vu, il est en train de... J'ai pas été autant à l'aise avec mes chums adolescents. C'est comme, hey, on va tous se mettre dans la même chambre à coucher, puis toi à terre, tu t'amuseras. Moi, dans le lit, je vais m'amuser, puis toi dans le garde-robe, tu t'amuseras aussi. Tu sais. Écoute, s'il y a parmi de nos auditeurs qui ont vécu ce genre de trip, ben, tant mieux. Moi, c'est jamais arrivé. Vous nous en parlez dans les commentaires. J'aime bien aussi les petites répliques des robots qui, à chaque fois qu'ils tuent quelqu'un, oui. C'est comme passez une bonne journée, have a nice day. Yes. Thank you. C'est vraiment have cool nice ça. Non, c'est le fun. Puis c'est drôle parce que mon premier shameless, c'était quand même Peeping Tom puis Basket Case, qui était un classique avec un nanar bien senti. Et là, on a Innocence avec. Chopping Mall, un classique avec un nanar bien senti. c'est... Mais Chopping Mall, je trouve que autant ça sent le nanar, autant je trouve que il va pas pleinement dedans. Je trouve qu'on est quand même dans la petite série B compétente. C'est quand il y a tout le temps une dose de compétence dans ce qu'ils font. Je sais pas, je suis pas capable de dire que c'est totalement un nanar. Non. On est loin de. Basket case. Non, c'est ça. C'est pas le même genre de production. Je veux dire, oui, c'est pas du The Innocence, mais je veux dire, la réalisation fait ce qu'elle a à faire. Puis, tu sais, malgré le budget restreint, je veux dire, j'ai pas l'impression que c'est comme on tourne dans un centre d'achat, mais on va faire attention de rien briser. Non, il y a des explosions, les vitrines pètent, t'as des cascades du monde qui tombe du troisième étage du centre d'achat. Je veux dire, c'est quand même compétent sur plusieurs points. Oui. C'est ça, c'est juste par manque de budget qu'il y a certains trucs qui, je pense, qui ont moins le look peaufiné, mettons. Oui, oui, facilement. Ou qu'il y a certains trucs que tu dis, oh, que ça a été fait à la va-vite. Il n'y avait pas trop de temps à passer là-dessus. Mais non, c'est ça, regarde, c'est juste plaisant. Puis c'est sûr et certain que je vais réécouter ça un moment donné avec des chums souvent là ou en tout cas. C'est, avec ta blonde, écoute avec ta blonde, je suis sûr qu'elle va rire. Peut-être. Je connais pas trop ses goûts en horreur, là, mais tu sais, je veux dire, 1h16, ça passe bien. Là. Oh oui, oh oui. 1h16, au pire, regarde. C'est un court ou mauvais moment à passer. Écoute, je sais pas si on avait autre chose à dire là-dessus, ça reste que tu pas. Ben, je pense pas, c'est assez minime. Hein? on peut pas s'étendre longtemps sur Shopping Mall. Ce n'est que ça, un slasher d'un centre d'achat avec des robots. Ta recommandation, Steven? Je vais être honnête. Il est sorti dans la sélection série Vestron Blu-ray. Leurs Blu-ray sont impeccables. C'est vraiment une belle collection qu'ils font, Vestron. Puis ils sortent vraiment juste des films de ce style-là, série B. Le problème avec cette compagnie-là, c'est qu'ils vendent ça à des prix qui ne font aucun sens. Je pense pas que vous allez vouloir payer 40$ pour Shopping Mall pour quelques petits bonus et un beau transfert Blu-ray, une belle pochette. Fait que moi, je vous recommande, parce que je crois que le film le mérite, mais le coffret à 10,99$ où tu as 8 films des années 80, puis là-dedans, tu as Klaus of 1999, tu as Ghoulie 3, justement, What's 976, Work. Evil 2, What's Work. Celui-là, il est vraiment bon. Honnêtement, c'est toutes des séries B très sympathiques, puis pour ce prix-là, crime, vous avez 8 films. Allez-y, les yeux fermés, là, honnêtement, là, c'est un beau petit coffret, ça. Je vais recommander la même chose, Steven. Regarde, cool. T'as pas le choix, là. Tu te pognes ça, puis tu vas l'avoir, puis c'est tout. Puis regarde, j'aurais suggéré de l'acheter à 10$. Là, t'sais. Fait que 10$ avec cet autre film, c'est, tu te poses pas la question. C'est donné, puis c'est le fun. Yes, puis juste pour rester dans le cheesy, puis c'est une suggestion de Jean-François Tremblay, qui n'est pas encore là avec nous autres, mais qui, coudon. Et toujours là dans nos cœurs. Il nous a dit vous n'êtes pas game de mettre la toune Let's Go to the Mall chantée par le personnage Robin Sparkles dans la série How I Met Your Mother. GF, juste pour toi, Let's Go to the Mall. Puis on se retrouve après pour la conclusion. I have Et oui, c'est déjà la fin, Steven. C'est déjà fini. Mais il y en aura un autre, Steven. Et un autre. 87. Et un autre. Et encore un autre. Et comme l'a fait remarquer notre auditeur David Michaud cet après-midi, le centième épisode arrive plus vite qu'on pense. Vraiment, il va falloir faire ça un grand Sébastien. On peut pas se permettre d'offrir un petit épisode ordinaire. Non. Écoute, il faut penser à nos affaires parce que si on fait bien le calcul, ça devrait arriver au mois de novembre environ. Donc, ça va être à surveiller. Écoute, on va y aller tout de suite avec nos recommandations, Steven. Chose difficile, Sébastien. Oui, parce que c'est ça qu'on se parle depuis tantôt avant d'enregistrer ce segment, c'est qu'on a tellement parlé d'autres films qu'on aimait qui étaient dans le même genre de ce qu'on écoutait que il nous reste plus beaucoup de suggestions. Alors, Steven, je vais te laisser commencer avec ta recommandation. Bien sûr, on avait le choix dans le fond entre suggestions de films de fantômes ou films de robots tueurs. Moi, j'ai décidé de rester dans la thématique robots tueurs. Et non, je ne vais pas parler de hardware. Je garde ça pour le centième épisode, comme Sébastien me l'a dit. En fait, il m'a sauté aux yeux parce que c'est un film que j'ai revu récemment et que je trouve vraiment bon et sous-évalué. Je parle de Screamer, réalisé par le Québécois Christian Duguay, qui mettait en vedette Peter Weller, Monsieur Robocop et Roy Dupuis. Et c'est un film qui m'avait foutu la chienne lorsque je l'ai vu jeune, parce qu'il utilisait des techniques qui d'habitude viennent m'effrayer. Et ça racontait l'histoire sur une planète Sirius 6B, dans un futur vraiment très lointain, en 2078. Cette planète-là a comme été ravagée après une énorme guerre qu'on sait pas trop c'est quoi exactement. Et il reste juste une petite poignée de scientifiques qui vit dans un petit bâtiment isolé. Petit bunker, puis la planète est comme envahie d'espèces de screamers, c'est des espèces de robots sous la terre qui servent à protéger, je sais pas trop quoi, c'est pas clair, et apparemment qu'il y aurait une place où que il y aurait une civilisation qui aurait plus de monde et peut-être même un moyen de quitter cette planète morte, mais au courant de leur voyage, ils vont se rendre compte que finalement les screamers, ça allait évoluer et ils ont une intelligence propre à eux-mêmes, ils sont capables de réfléchir et de prendre des décisions et ça va entraîner à une espèce de chasse de survie avec ces espèces de créatures qui prennent toutes sortes de formes et c'est vraiment un film qui avait un petit budget, qui était sorti un peu de manière cachée à l'époque. Il y avait deux VHS à mon vidéoclub. Et honnêtement, c'est vraiment nice. Il y a une bonne ambiance qui plane là-dessus. Les screamers sont vraiment cool. Il y a quelques petits effets qui sont un peu datés, qui sont pas réussis, mais le reste, c'est vraiment nice. Là. Surtout le petit garçon. Est-ce que je peux venir avec vous? Après, vous allez avoir écouté ce film-là. Cette phrase-là va vous rester en tête. Non, honnêtement, je le recommande. C'est un de ces bons films de robots tueurs qui a passé inaperçu à l'époque. Moi, écoute, ce film-là, j'ai... C'était mort, c'est poche. Pas le film, mais mm-hmm. À l'époque, ça avait quand même fait parler un peu. Tu sais, film québécois, mais en anglais, tu sais, avec un film de science-fiction. À l'époque, c'était comme du jamais vu. Puis il y avait une entrevue avec Roy Dupuis. Puis, il avait montré une séquence du film avec Roy Dupuis qui a un certain make-up, puis ça volait des punchs. Ah, c'est-tu qu'ils sont épais? Ce que je veux dire, tu sais. Ouais. Ouais, tu sais de quelle séquence je parle. Ouais, comme... ouais, ouais, je sais, mais... Moi, j'écoutais le film, puis j'étais comme... Mais c'est parce que j'ai vu dans le documentaire ça. Tu sais, ça... Tout le long, j'ai trouvé ça poche. Ça gâche pas le film, mais c'est juste plate qui montre ça. Puis, je l'ai pas mentionné, mais c'est adapté d'une courte histoire de Philip K. Dick, le célèbre auteur de Blade Runner, juste ça. Puis le film est scénarisé par Dan O'Bannon, Mr. Alien de Ridley Scott. Je veux dire, c'est quand même une bonne équipe compétente. Puis tu sais, Christian Duguay, c'est pas forcément un grand réalisateur, mais je trouve qu'il a quand même fait des petites séries B sympathiques. T'sais, il a fait entre autres Scanner 2 et 3. Avec Yvan Ponton, tu sais, lui, il intègre tout le temps des acteurs québécois, puis c'est tout le temps tourné à Montréal, dans le fond. Mais. Il a fait The Art of War avec Wesley Snipes. Tourné à Montréal aussi. Ouais. Tu sais, c'est quand même. Il a pavé le chemin. C'est vrai, on parle tout le temps de Denis Villeneuve, mais tu sais, Denis Villeneuve, c'est pas le premier Québécois à avoir une carrière en Amérique. On a eu d'autres avant, puis Christian Duguay en fait partie. Exact. Écoute, je triche. J'ai triché. J'étais avec un film d'ambiance, avec un film d'ambiguïté, avec un film d'apparition qui ne sont peut-être pas des apparitions, avec de personnes qui sombrent dans une folie parce qu'à un moment donné, ils ne sont plus certains de sexualité déviante. Et je te dirais de Tenant. Ok, c'est comme silence de malaise parce que toi t'étais pas là quand on a fait l'épisode. Non. Ok. Oui. T'es-tu sûr? Il me semble que oui, pourquoi? Il me semble que non. En tout cas, je suis pas certain. Il me semble que c'était moi, Jean-François et Pierre. Mais je veux juste te dire que on a démoli le film dans l'épisode. Mais quand je dis démoli, on l'a démoli, là. Ben, ouais, ça se peut, mais écoute, pour moi, The Tenant, là. The Tenant, pour moi, c'est. Oh non! Excuse-moi, je retire tout ce que j'ai dit. Dans l'esprit, j'avais Don't Look Now. Hey Chris, man, non, oublie ça, non, t'es pas... Écoute, j'étais comme, sérieux, vous aviez non, excuse-moi. Démoli de Tenant? Non, ben, même là, je suis sûr qu'il y en a des auditeurs qui sont comme, what the fuck, tu démolis Don't Look Now? C'est un autre que je veux laisser une chance avec un Criterion, mais non, je me suis mélangé de films. je trouvais ça bizarre. Ouais, c'est weird. Je trouve ça bizarre que vous ayez... Non, c'est dans l'épisode de Parano numéro 36. On avait parlé de Bug et de Tenant. Oui, deux excellents films, en fait. Oui, allez écouter cet épisode-là. Ouais. Salut pour savoir pourquoi je vous recommande de Tenant. C'est un peu tiré par les cheveux comme recommandation, là, mais regarde, je sais pas. Ça me reste en tête quand je pense à certains des thèmes du film. Tout ce qui manque, c'est des enfants. Il n'y a pas d'enfants. Écoute, Steven. Oui, Sébastien. On va parler de séance de minuit. Ah ouais? Qu'est-ce qui se passe avec ce film-là? Ben, ce qui se passe, c'est qu'on a tourné deux épisodes... on a sorti, en fait, deux épisodes rapprochés. On a sorti un épisode sur le film Raw. Le film français Grave, que je vous recommande fortement d'aller écouter parce que je considère que c'est quand même un de nos bons épisodes et que c'est un film à ne pas manquer cette année qui va se retrouver dans plusieurs listes. Et on vient tout juste aussi de sortir l'épisode sur Monster Call, le nouveau film du réalisateur de L'Orphelinat. Un film dramatique, difficile, ce qui est à l'image de notre épisode, parce qu'on parle un peu de notre relation avec la mort, la maladie, comment on a connu ça. Fait que c'est un épisode pas très joyeux, fait que arrangez-vous pour écouter ça une journée de pluie, juste pour vous mettre dans l'ambiance. Mm-hmm. Sinon, on était supposé faire un épisode sur Wonder Woman et sur It Come at Night, et j'ai l'impression que je suis le seul dans la gang qui a vu aucun des deux films et que je vais pas réussir. Fait que j'ai aucune idée ça va être quoi notre prochain épisode, pour être honnête, mais... Mm-hmm. Sinon, ça va venir, mais je vous recommande d'aller écouter nos derniers épisodes, ça vaut la peine. Et le bras de fer des films, ben, ça fait un bout qu'on n'a pas fait d'épisode non plus. J'étais avec Sylvain, on est supposé avoir un épisode, on a choisi nos films, mais c'est un petit peu plus compliqué dernièrement, fait que c'est encore en stand-by. Ben, Sylvain, écoute, il joue beaucoup à des jeux de table ces temps-ci, est-ce que je vois? Sylvain s'est trouvé une nouvelle passion, les mangas et les jeux de table. C'est fou, Sylvain, oublie ça, il vient d'entrer dans une autre dimension, ouais, on l'a perdu pour un nom. Faudra trouver le garde-robe qui va mener jusqu'à la dimension où il est. moi, de mon côté, j'étais supposé faire une nouvelle critique en voiture avec mon comparse Fred, mais une semaine chargée et le fait que Fred est maintenant au Portugal pour deux semaines ont fait en sorte qu'on n'a pas pu aller voir le film, donc c'est un peu en stand-by. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'on va écouter d'abord pour notre prochain épisode. Mais ça, ben, je dis ça comme ça, là. Ouais. C'est vraiment cool, le duo toi et Fred, parce que on a tout le temps aimé Fred malgré ses courtes apparitions dans tes anciens épisodes. Ben, tu pourrais faire un petit épisode solo, tu sais, toi qui reviens et qui parle dans ton char. Ouais, mais ça pourrait fonctionner. Mais... Ah, ok. C'est sa caméra. Donc, je pourrais pas le faire. Mais oui, j'aurais pu. Mais qu'est-ce que tu veux? Ben écoute, s'il n'y a pas de quatre robots dans sa maison puis de porte hermétique, je veux dire, tu peux aller la voiler, la caméra. C'est pas de problème. Vrai, c'est tout à fait vrai. Écoute, là, Steven, notre prochain épisode, ça va être un épisode spécial. Yes! Yes, c'est la première fois qu'on fait ça? C'est-tu la première fois? Je pense que oui. Je suis pas certain. Si c'est pas la première fois qu'on le fait, c'est la première fois qu'on le réussit. On a demandé, dans le fond, à nos Patreons de nous proposer leur shame list. Donc, nos Patreons nous ont proposé deux films de leur shame list. On a triché un peu. Plutôt que de garder les deux films de chaque shame list, on a pris un film qu'on voulait dans les shame list de chacun de nos Patreons qui ont suggéré des films. Et on va en piger deux dans le lot. Donc, plutôt que de faire un ou une gagnante, on va en faire deux. Donc, j'aime ça. J'aime ça parce que, écoute, je regarde ce qu'il y a là. Je pense que là-dessus, il y en a un, deux, trois que t'as pas vu. Ouais. Puis moi, il y en a un, deux, trois, quatre que j'ai pas vu. Donc, tu sais, ça nous pourrait nous faire une shame list en même temps. Donc, c'est pas si mal. Et des choix très variés, on va tout de suite des choix très variés. Ça peut donner un épisode complètement disjoncté. J'ai très hâte de voir. Il y a des classiques là-dedans que vous allez dire, ah ouais, c'est sa shame list d'un tel, regarde. C'est sa shame list. Puis si on le pogne, on en jase. Puis c'est pas pire que ça. Ça faisait partie du lot. Ça reste que c'est des films qu'on a pas vus ou qu'on a le goût de jaser. Yes. Donc, je clique sur le petit bouton, Steven. Roulement de tambour. Alors, je t'annonce, Calvose, qu'on écoutera de suggéré par Véronique. Oui. The Orphan. Oh. Ouais. On l'a déjà vu, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Et on écoutera aussi suggéré par Stéphane, Phantom of the Opera de 1925. Wow, quel beau duo! Oui, vraiment content, vraiment content. Et moi, je vais tout de suite te mentionner Phantom of the Opera, c'est ma chemise. J'ai jamais vu. Ouais, c'est sur ma chemise aussi, j'ai jamais vu. Fait que je crois que c'est quand même qu'on pas vu, puis qu'on a vu. C'est cool. C'est un gros classique de la Universal à voir. Puis tu sais, je suis un peu dans le mood là, de revoir les classiques des monstres avec la momie qui vient de sortir, la Dark Universe qui vient de partir, qui est partie très mal. Mais c'est pas grave. Je me dis que peut-être. Juste, elle est partie, bye bye. C'est son camp. DC, t'as des fourrés avec, puis il l'a contaminé avec le sida. Mais. Oh, okay. En tout cas, j'ose espérer qu'ils vont réparer leurs erreurs avec le deuxième film. Sinon, ben, c'est pas grave. Le prochain qui va le faire, je sais plus. C'est... Ben, écoute, ça semble aller dans plusieurs directions. Je sais qu'ils vont faire L'Homme Invisible avec Johnny Depp. Ils sont supposés faire Creature from the Black Lagoon. Fait que j'ai aucune idée de lequel ils vont choisir. Mais, s'il vous plaît, faites attention. Ah, tu dis toi, moi, ça m'a fait réaliser, là, on part dans une autre direction, mais ça m'a fait réaliser après, en sortant de la salle, que oui, malgré des défauts, malgré qu'il y a des choses que j'ai pas aimées, The Wolfman avec Benicio del Toro, c'était pas mal ce qu'il y avait de mieux comme premier candidat pour partir les films de la Universal. Il est dans l'ambiance, puis il respecte ce que ça devrait être, un film d'horreur. C'est ça qu'on veut, on veut des films d'horreur. Sinon, ça aurait pu être Le Poil de la Bête. Tabarnak! Honnêtement, j'ai même pas osé le voir, ce film-là. Non, moi non plus. J'ai pas osé. Pour nos auditeurs français, c'est un film de loup-garou réalisé au Québec qui se passe en Nouvelle-France ou je sais pas trop. Non, mais avoue, on pourrait se faire un spécial horreur québécois et on pourrait inclure celui-là. Quoique le choix est pas forcément varié, on n'a pas tant de films québécois d'horreur, mais crime, je trouvais ça intéressant. On en a de plus en plus. Oui, ça s'en vient. Puis là, l'équipe de Turbo Kid qui sont en plein pré-production pour leur deuxième long-métrage, ce qui est vraiment nice. Oui, j'ai vraiment hâte. Puis écoute, un spécial Poil de la Bête puis Saint-Martyr-des-Damnés. Là. On que j'ai jamais vu aussi. T'as jamais vu? Non. Saint-Martyr-des-Damnés, je dirais, un gros défaut, c'est de vouloir tout faire. OK, c'est une genre de mixture de plusieurs choses. Là. Ouais, tu sais, tu fais comme, OK, man, t'as écouté The Shining, t'as lu du Lovecraft, t'as écouté, tu sais, là, tu fais... Lovecraft? Ah ouais? Oh, écoute, à la fin, tu fais comme, je dis que c'était Lovecraftien comme passe. C'est hot? Oui, puis non. les gens ont pas vu ton expression faciale, mais c'était ben, pas de Seb qui t'a écouté une demande de manière. je dirais que le gros problème, c'est l'acteur principal. C'est, ok, Monsieur Radio Enfer. Ouais, Carl le Cachoret. Ouais. Je me suis oublié de son nom. François Chény. Okay. Il est tellement pas bon. Mauvais. De chez mauvais, là. C'est dégueulasse. C'est que j'ai le DVD, il traîne dans ma bibliothèque depuis des années. J'avais acheté ça pour prévisionner dans le temps. Là, puis, je l'ai aussi. J'attends. Écoute-le, ça vaut la peine d'être vu. Ça vaut la peine d'être vu. Tu vois que. Je te dirais que tu vois que le gars connaît le film d'art. OK. Il connaît son film d'horreur dans le sens que il y a des influences. Mais c'est ça, il y a des influences. Puis c'est un de ses premiers, Robin Aubert. Écoute, j'ai vraiment hâte de voir son... comment il s'appelle son film de loup-garou? Il y a un film de loup-garou qui s'en vient de lui? Pas de loup-garou, excuse. De zombies, des affamés, c'est ça? Ouais. C'est un projet qui est... Je me rappelle, il a annoncé ça au Fantasia, puis plein de monde ont financé ça, il y avait des extraits, puis honnêtement, c'est un beau projet prometteur, puis ça pourrait vraiment être cool. Je suis vraiment curieux de voir ce que ça va donner. Moi aussi. J'ai écouté dernièrement un de ses derniers, je sais pas si c'est son dernier, L'origine d'un cri. Ça, c'est-tu avec Michel Barrette? Ouais. Film très difficile. Honnêtement, je vais te dire tout de suite, j'ai eu un peu de misère avec la performance de Michel Barrette. J'y croyais moyennement, mais le reste, le jeune avec son grand-père, là, écœurant. J'oublie son nom, ça m'écœure. Lui qui joue le grand-père, c'est... Pourquoi j'ai Plume la traverse en tête? Ça marche pas! Voyons, Jean Lapointe. Jean Lapointe est écœurant là-dedans, honnêtement, là, puis la scène d'intro, c'est très difficile, c'est très malaisant, mais c'est un très bon film qui a des petits problèmes par-ci par-là, mais qui vaut vraiment le détour. Là. Ouais, fait que c'est ça, tu sais, pour ça que j'ai confiance aussi en les affamés. Steven, on parlait des Patreons tantôt, c'est le moment de leur faire un petit shout-out. C'est l'heure du party, parce qu'en plus, Steven, on a un Patreon de plus à shout-outer aujourd'hui. Qui ça? Shout-outer, c'est que c'est beau ça. Ouais, hein? on va y aller avec nos classiques. On va faire un petit shout-out à Tommy Boy. Salut Tommy. Salut Tommy Jarvis. Tommy Jarvis, oh ben Colin. shout-out à Marc-André Devine. Divine. I wanna get free, I wanna get free. Il va nous la faire toutes les fois. Oui, c'est vrai, j'ai déjà fait. Tu l'as fait la semaine passée. Calisse. Au pire, fais-la toutes les fois jusqu'à ce qu'il s'écœure. Mais peut-être qu'à Mané, il va juste arrêter de donner de l'argent. Puis ça va être moi, je ne chante pas pour avoir un mauvais cover de Divine. C'est pourquoi je paye pour cette shit-là. Et ben, on a Véronique Lebel du podcast Les douces folies de Nikki. Oui. Maintenant, et parmi nos Patreon donateurs dignes d'un shout-out. Donc, ben merci, Véro. Merci beaucoup, Véro. Qui est là tous les lives. Parce que oui, si vous étiez un Patreon, vous aussi, vous pourriez assister live aux épisodes et jaser avec nous de tout plein de sujets comme l'ont fait plusieurs ce soir. Et voir des conneries qu'on dit et qu'on fait entre ça. Écoute, il y a des choses qu'on se demande même si on devrait pas effacer certains segments. Honnêtement, on pourrait aller en prison. What? Ok, j'aurais pas dû dire ça. Coupe ça de l'épisode, Sébastien. Mais c'est trop tard, c'est sur Facebook. Non! Donc, écoutez, allez jeter un œil. D'ailleurs, autre belle chose, Steven. On a atteint un nouveau palier dans notre Patreon. On a atteint notre palier des 25$ par mois. Wow! Ouais, fait que maintenant, on s'engage aux 3 mois à faire un concours parmi tous nos Patreons. Et on a déjà commencé à checker les concours et croyez-nous, ça va être un beau cadeau. Oui, vous allez être content. Oui, donc il n'est pas trop tard pour devenir Patreon, avoir accès aux avant, après et pendant show, les avoir live, les avoir avant tout le monde, avoir des shout-outs, juste vous encourager parce que vous aimez le show puis vous vous dites, mais écoute, une petite pièce par mois, ça va à peine pour cette gang de fous-là qui nous jase d'horreur avec passion. Donc, si vous nous écoutez présentement, puis vous considérez qu'on ne vaut même pas une pièce, ça me fait beaucoup de peine. Où c'est que moi le monde? Où c'est que ça va le monde, Sam? Je ne sais pas. Je ne sais pas où ça va, mais nous autres, on s'en va, Steven. On dirait bien. Cette émission est commanditée par des acteurs dramatiques. C'est n'importe quoi. Hey, Steven. Hey, Sébastien. Je te dis au revoir. Au revoir. Et à tout le monde qui nous écoute, gardez ça.